Hein. Quoi? Monsieur tout le monde? Monsieur tout le monde? Enfoiré. Merde. Il ressemble à monsieur tout le monde. Non, non. Mais sont plus cons que la moyenne. Et ces gros formes, les xénophobes sont plus nombreux que mes voyelles. Si, si. J'ai couleur pour, son couleur porte. Rien ne s'accorde. Faut du C4 devant sa porte. Branche bien solide pour sa corde. N'aime pas les pougnous ni les nègres. Les met dans le même sac. Nous prend pour des mecs sales. N'aime pas le couscous ni les nems. Vote le FN, mais cela n'est pas une surprise. À l'apparence d'un bidot sombre aux Antilles et en kit 10 sur 10. Veut pas de la Turquie dans l'Europe. Est raciste depuis longtemps. A de longs temps, aussi long que celle de son rock. Il juge toujours mal depuis l'Asie. Jusqu'à la frie, hache la frite à tout bout de champ. Le journal du petit nazi. Hitler, Mussolini, fait de ses mix et en fait de ses mythes. À Gervais. Comme si Franco était la vierge des extrémistes. C'est de la race supérieure dont je te parle. Ne me prends pas au sérieux. Il serait regrettable que je te calme. Monsieur tout le monde, quoi, fait partie du paysage. Dans lui, un noir est un noir, il n'a pas le souvenir des visages. Ne se rappelle pas de Rachid ou Mamadou. Fait des sourires tous les jours et croit néanmoins qu'il Mamadou. Aime les meetings où Jean-Marie est superstar. Aime les conneries, la supériorité, les histoires du terroir. Monsieur tout le monde rêve d'un monde en blanc sans noir. C'est l'histoire d'un con. On se dit que le monde serait mieux sans moi. Ils comme un cul. C'est vrai. La panoplie du petit SS. Je crois qu'il pratique le SM. Rasoir et bombeur, sphère inclus. Une hiérarchie d'hooligan. L'anarchie est la règle. Où la haine et la reine prennent la tolérance et la raye. Son skinhead, donc stupide, une doctrine si laide, peu subtile qui met l'étranger à la base de ce qui merde. Et lui qui nous nuit à la tête d'un parti mystique qui fait des meetings mitigés sur un parking. Son supérieur comme des Tekken, à ras du sol, la loi du sort. S'il nous cherche, il aura du seum comme dans Tekken. Il n'était pas mieux hier. Le Ku Klux Klan a fait un casque sur les casques noirs, a mis un casque et des œillères. J'étais la cible, j'avais une pierre et un couteau. J'ai jeté la pierre dans le vase quand j'ai vu déborder la goutte d'eau. J'ai pris une arme pour me défendre, c'est la parole. Eux l'utilisent comme une carotte, recherchent leur bouche pour me descendre. Monsieur tout le monde, quoi, fait partie du paysage. Dans lui, un noir est un noir, il n'a pas le souvenir des visages. Ne se rappelle pas de Rachid ou Mamadou. Fait des sourires tous les jours et croit néanmoins qu'il Mamadou. Aime les meetings où Jean-Marie est superstar. Aime les conneries, la supériorité, les histoires du terroir. Monsieur tout le monde rêve d'un monde en blanc sans noir. C'est l'histoire d'un con. On se dit que le monde serait mieux sans moi. Dès le pénis, ils stressent. C'est clair dans leurs phrases pleines de pénibles subtilités. Ils parlent encore avec l'accent sectaire. Ces gens-là s'interrogent, n'acceptent pas les autres. Pensées classiques, pour eux, si t'es bronzé, bah t'es bon qu'à te casser les os. Ces bâtards influencent leurs gosses et ça agace. Leurs camarades de classe qui prendront Marianne pour une garce. Ça cherche des crosses, il fait des crasses, il sera jusqu'à l'écorce. Mes mots les corps, je décoche mes flèches, égalité, la mes France fesses. La France en train, hein, divisé en trois wagons. Les ariens tarés, les conservateurs et les trois dragons. Robe noire, plan prioritaire dans leur pays. La répression met des coups de pression et passe au GTI. Les politiciens jouent aux stars aussi, qu'on idolâtre une Gestapo, qu'on extrapole comme Nicolas Sarkozy. Les racistes ne prennent pas qu'à l'extrémité. Exterminer les autres et la donne depuis l'éternité. Monsieur tout le monde, quoi, fait partie du paysage. Dans lui, un noir est un noir, il n'a pas le souvenir des visages. Ne se rappelle pas de Rachid ou Mamadou. Fait des sourires tous les jours et croit néanmoins qu'il Mamadou. Aime les meetings où Jean-Marie est superstar. Aime les conneries, la supériorité, les histoires du terroir. Monsieur tout le monde rêve d'un monde en blanc sans noir. C'est l'histoire d'un con. On se dit que le monde serait mieux sans moi. Monsieur tout le monde, quoi, fait partie du paysage. Dans lui, un noir est un noir, il n'a pas le souvenir des visages. Ne se rappelle pas de Rachid ou Mamadou. Fait des sourires tous les jours et croit néanmoins qu'il Mamadou. Aime les meetings où Jean-Marie est superstar. Aime les conneries, la supériorité, les histoires du terroir. Monsieur tout le monde rêve d'un monde en blanc sans noir. C'est l'histoire d'un con. On se dit que le monde serait mieux sans moi. Ouais. Monsieur tout le monde, c'est qui? Bah, j'ai pas trop en fait. Quel enfoiré. Ah, je te jure, quel enfoiré. Ah ouais. Ouais. Dame 7. C'est A. 7, 7. 9, 5. Ok, à ouais. Combine. À combine.